شعائر الإسلام. Car l'adhan fait partie des rites apparents de cette religion. وهو النداء للركن الثاني من أركان الإسلام. Et c'est l'appel au deuxième pilier des piliers de l'islam. فلا ينبغي على المسلمين أن يتساهلوا في هذا الباب. Il ne convient donc pas aux musulmans d'être négligents concernant le adhan. فالمؤذن يكبر الله تبارك وتعالى. Le مؤذن, il va donc dire الله أكبر. يعني أن الله أكبر من كل شيء. Ce qui signifie que Allah est plus grand que toute chose. أشهد أن لا إله إلا الله. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité en dehors, méritant l'adoration si ce n'est Allah. فلا معبود بالحق إلا الله بحق إلا الله. كلمة التوحيد, la parole de l'unicité. وأنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. Et vous connaissez le hadith recueilli par Jabir ibn Abdullah, recueilli par Ibn Hibban selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui atteste que la ilaha illallah en étant sincère, mukhlisan min qalbihi, et donc avec une intention pure dans son cœur pour Allah tabaraka wa ta'ala, il rentre au paradis. Sahahahu al-Albani rahimahullah. فلا ينبغي أن نتساهل ثم يشهد أن محمدا رسول الله. Et ensuite il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. هذا الذي بعثه الله رحمة للعالمين. Celui que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé par miséricorde pour l'univers. ثم يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح. Et ensuite il appelle les gens à la prière et à la réussite. والصلاه والصلاه هي الفلاح. الى صلاه en réalité c'est la réussite. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit qad aflaha al mu'minun, certes les croyants ont réussi. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles dans leur prière. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, et ceux qui se détournent de toute futilité. وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ, et ceux qui s'acquittent de la zakat. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, sauf exception faite des rapports avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Alors en cela, ils ne sont pas blâmables. فَمَنْ يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Alors celui qui cherche à dépasser ses limites, à dépasser ces limites-là, alors ceux-là sont les transgresseurs. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, et ceux qui veillent à préserver les dépôts, à préserver les dépôts confiés et leurs engagements. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et ceux qui préservent l'accomplissement de leurs prières. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, ce sont eux les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ceux qui héritent Al-Firdaus, ils y sont éternellement. Fais-salat ya al-falah, la prière c'est la réussite. Fais-la yan barilana anna tasahel fi nida li hadhihi al-ibadah. Il n'est pas convenable que l'on soit négligent dans l'appel à cet acte d'adoration. Wa insha'Allah ta'ala sanastamir radan fi hadha al-bab wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima fihi ridah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.